Quatre ans ont passé depuis l'installation de Bakounine dans la Maison Bleue, par voie de la falsification lâche de l'opinion et du coup d'état politique de la démagogie. L'Institut de la réunification de la patrie a publié le 25 février un livre blanc révélant les crimes commis par la traîtresse depuis 4 ans de son mandat présidentiel. Le livre blanc qualifie 4 ans de Bakounine de 4 ans de colère et de stupeur où a été étouffée l'aspiration de toute la nation coréenne à la réunification, de 4 ans de cauchemars et d'enfer où les Sud-Coréens ont souffert des malheurs insupportables, et de 4 ans de honte et d'humiliation où ont été vendus sans réserve aux forces extérieures la dignité et les intérêts de la nation. Et de souligner, l'histoire politique mondiale compte pas mal de gouvernants tristement célèbres, mais elle ne connaît pas le pire criminel tel que Bakounine, qui a perpétré d'énormes crimes impardonnables pendant son mandat de 4 ans. Toute la nation coréenne châtiera le plus sévèrement et impitoyablement Bakounine, pour que ne se répète pas dans l'histoire coréenne l'actuel drame où la gouvernante vipérine Bakounine fait du mal au peuple.